بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طيب قد انتهينا من أسماء الشرع. أنا فيني التابلو كي كونسيرن أسماء الشرع: العاقل للقريب، العاقل للبعيد، وأسماء الشرع للقريب غير عاقل، وأسماء الشرع للبعيد غير عاقل. طيب on avait parlé d'une règle également. On avait dit que si on faisait un signe vers un jama, c'est-à-dire, formez les livres là comme ça, c'est-à-dire, rien à aql, on dit on utilisait quoi? Hadi, hada wal akthar. On avait bien dit que si on faisait un signe vers jama, rien à aql, c'est-à-dire pluriel, inerte, quand on dit qu'il ne résonne pas, c'est-à-dire qu'une chose qui est comme un mur, des montagnes, c'est ça que je veux dire, rien à aql, qui ne résonne pas. الأكثر يستعمل هذه. طيب on a dit qu'on pouvait utiliser également أولئك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله سبحانه وتعالى هنا قال أولئك. Vous avez compris ça? Vous avez dit هو الأكثر. طيب après on a vu quoi? بارك الله فيكم. On a dit par exemple si on a un مبتدا غير عاقل جمع. طيب الخبر يبقى كما انا دي مفرد مؤنث مفهوم هذا. par exemple الابواب مفتوحه. طيب و سي سي ان صفه هذه ابواب مفتوحه هذه دروس مفيده. ها انا مام دي كوا بارك الله فيكم مام سي لو مو دو باز يلي ماسكولين كوم كوا par exemple on a dit درس. À la base, on dit hada darsun. Mais au pluriel, ça devient quoi? Jam' taksir. On en avait parlé un petit peu avant. On avait dit que le jam', on le verra. Il y a le jam' taksir, jam' mudhakkar salim et jam' mu'annad salim. Et par rapport à ce que j'ai vu, tous les exemples qu'il nous a donné ici, l'auteur du livre, c'est quoi? C'est que des pluriels jam' taksir. Si vous avez fait attention, c'est beaucoup des pluriels ghir aql. Parce qu'on a essayé de voir est-ce que c'est une règle générale ça. Taïb, vous pour l'instant vous prenez ça. Tout pluriel, c'est-à-dire غير عاقل. Et wallah alam, c'est quoi? C'est le jam' taksir. Parce que, est-ce qu'on peut dire par exemple, هذه الرجال قائمة. Vous avez compris ça? Ça, Allah alam. C'est pour ça que vous mettez cette règle-là, comme on a dit. Si tu informes ou tu décris un pluriel غير عاقل, tu viendras avec quoi? Une description ou une information mufrad mouanneth. Ça veut dire quoi? Singulier féminin. C'est compris ça, Ibrahim? C'est compris? Par exemple, on donne vite fait un exemple. هذه دروس مفيدة. طيب هذه مبتدا دروس خبر ومفيدة صفة. مفهوم هذا؟ Ici on dit هذه الدروس مفيدة هذه مبتدا الدروس بدل. Et ça on le verra dans 3. مفيدتون خبر. Tout le monde a compris ça inshallah? Ça c'est عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça c'est le dos qu'on avait fait avant-hier. طيب inshallah tout le monde a compris bidnillah. طيب عندك يا محمد, comment on dit une entreprise, une usine? شركاتون. طيب comment on dit quelque chose de pas cher, de pas coûteux? Rakhis. Taïb. Directeur d'entreprise. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment? Al-Mudiru. Mudiru Sharika. Hein? Taïb. Al-Qamis. Qamis. Taïb. Bismillah. Al-Dars. Thamina Ashar. Leçon 18. On n'avait pas lu le texte, hein? Tout le monde se concentre. كم أخ لك يا محمد؟ لي أخ واحد. Très bien. وكم أختان لك؟ لا. لي أختان. لا لا في نغة. كم أختان لك؟ أنيزة. Prépare les textes, les frères. C'est des mots faciles ça. وكم أختان لك؟ À toi, Ayman. Li Ortel. Non. Comme la Ajaratan. للدراجة يا محمد يا حامد. نعم، كم عجلة للدراجة يا حامد؟ لها عجلة عجلتان. لها عجلتان. Très bien. لها عجلتان. Suivant. كم عيدا؟ لا، كم عيدا؟ كم عيدا في في السنة؟ يا بيا. في السنة. ما معنى عيد؟ العيد. تقول بالعيد؟ العيد. voilà. tu connais ما شاء الله. combien y en a d'Eid dans l'islam؟ voilà. deux. العيد الأضحى والعيد الفطر. كم عيدا؟ فعيدا. عيدا. كم عيدا؟ voilà. في السنة l'année. في السنة. يا زكريا. يا زكريا. نعم. طيب. essayez de préparer les textes les frères. ça va beaucoup vous aider ça inshallah. on suit bon. عيداني. Il faut prolonger l'alif là, car le dars d'aujourd'hui c'est le duel. Huma Aïdou Fitr. Il faut lire direct, parce que si tu me dis Huma Aïdou. Là. Parce que Huma c'est quoi? C'est un duel. Taïb. Vas-y, Huma Aïdou Fitri. C'est quoi l'Aïdou Fitr? نعم طيب وعيد الأضحى يا إبراهيم أبوك تاجر كبير أبوك تاجر كبير نعم كم متجرا نعم عنده سيدير مغازا طيب و si tu dis par exemple متجرا كبير ce serait comme un supermarché. Le suivant. Matjarani. Non. Aindahu matjarani kabirani. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismail. Très bien, mashallah. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismail. Fiha nafidatan. Regarde bien. Fiha nafidatan. Fiha, tu l'as dit? T'as dit fiha? Non. Je n'ai pas entendu, Afwan. فيها نافذتان. فيها نافذتان. وشوفان. لمن هذاني دفتران. très bien. لمن هذاني دفتران. هما لي. هما لي. نعم. لمن هذاني. داود. لمن. يا أيمن. شوفان. لمن هذاني المسترتان. نعم. مسترتان. c'est le duel de. c'est la règle. مسترتون. طيب. هما لي. نعم هما لي طيب je pense que tous les mots ont été traduits hein c'est pas trop difficile inchallah. et la leçon 18 elle contient deux dars al muthanna et kam al istifhamiya. طيب on va commencer par le muthanna. regardez bien, regardez par exemple kam ukhtan, la deuxième phrase du mudarris. tout le monde y est? hein? regardez bien. كم أختان؟ et dans la réponse il dit quoi؟ لي أختان. vous avez compris؟ c'est à dire طيب le duel بارك الله فيكم c'est اسم عرب نابع عن مفردي لفظا ومعنى بزيادة ألف والنون ويا والنون وكان صالحا لتجريده منهما. طيب je répète. اسم معرب. معرب c'est à dire c'est un nom déclinable, c'est à dire qui change. طيب et ça inchallah il y aura un dars khas dans le 3 pour que vous compreniez c'est quoi اسم معرب. hein? par exemple معرب on avait dit quoi, comme quand tu dis زيدون معرب, c'est à dire quoi, la harakat à la fin la voix elle change. جاء زيدون رأيت زيدا مررت بي زيدين. est-ce que زيد ça a toujours été la même terminaison؟ لا هذا معنى معرب. طيب ان شاء الله. Après il te dit نابع عن مفردي. vous avez compris? le duel c'est quoi? c'est qui va remplacer son singulier. طيب بزيادة ألف والنون. ألف والنون ça veut dire quoi بارك الله فيكم? le مثنى c'est à dire le duel par rapport à son singulier il y aura un surplus de quoi? de ألف والنون. et ce ألف والنون quand il sera quoi? مرفوع. طيب المرفوع c'est soit un مبتدا ou soit un quoi un fa'al. Taïb, ça c'est important. C'est-à-dire le alif wa nun dans le dual, tu vas le retrouver quand le dual il est mubtada ou quand il est fa'al. Exemple mubtada, tu diras quoi? Zaydani, Zaydani, Maridani. Tout le monde y est? C'est-à-dire deux Zayd. Al-Waladani, Maridani. Tout le monde a compris? Parce qu'on avait dit quoi? Al-Mubtada, la Bouddha, Diyakul Mada. Ouais. Il faut qu'il soit. Tu l'as fait le Mubtada Khabar? Je crois. Ouais, ça t'a pas fait, n'avant pas. T'as fait le Mubtada? Le Mubtada, il doit être comment? Il doit être Marfoua. Tout le monde a compris ça? C'est-à-dire le Mubtada, il doit être Marfoua. Et le signe du marfou dans le dual, c'est quoi? C'est l'alif. Vous avez bien compris ça, les frères? C'est-à-dire quand tu dis al-waladani maridani, ici il est mubtada. Et alamat al-raf, c'est quoi? Al-alif. Quand tu dis al-zaydani maridani, c'est la même chose si tu disais zaydoun maridoun. Vous avez compris? Mais quand tu dis zaydoun maridoun, et quand tu dis al-zaydani ou al-waladani, on va rester avec Al-Walad pour que tout le monde vous comprenne bien. Al-Waladu Maridun. Tout le monde y est? Al-Waladu Mubtada. C'est vrai ou non? Al-Maridun Khabar. Et le Mubtada, on a dit, il était comment? Marfou. Ici, dans Al-Walad, Alamat al-Raf, Mahia. Al-Walad? Ouais. C'est la Dhamma. Hein? Ça, vous en souvenez? On avait dit que le Marfou, il a des signes. C'est quoi? Je vous avais donné la dernière fois. Soit c'est la Dhamma, soit c'était l'Alif, ou soit c'était quoi? Al-Waw. Hein, on avait dit quoi? Al-Waladu Maridun, al-waladani, maridani, par exemple, al-muslimuna, on dira quoi? Marda. Je vous ai donné trois types de mubtada et trois types de marfoua. Un marfoua bil-damma, un marfoua bil-alif, et un qu'on verra plus tard, marfoua bil-waw. C'est-à-dire, grâce à Allah, on a étudié quoi? On a vu al-marfoua bil-damma. Qui quoi? Singulier. Et là, aujourd'hui, on a quoi? Le duel, al-muthanna. Marfoua bil-mada? Bil-alif. C'est bien compris ça? Tout le monde a compris? C'est-à-dire, si tu vois un duel avec le alif, soit il est mubtada ou soit il sera quoi? Fa'al. C'est bien compris? Alors, je vous ai donné un exemple du mubtada. Al-waladani, maridani. Ja'a, al-waladani. Ici, il est quoi ici? Ja'a. Al-waladani. Ja'a, ça veut dire quoi, ja'a? Il vient. C'est le verbe venir. Venir. Et on a dit que tout verbe, lui, il fallait quoi? Un fa'al. Un fa'al, un sujet. Et c'est qui est venu là? C'est les deux enfants. Les deux enfants. Vous avez compris ça? Ici, il y a deux enfants qui sont venus. Est-ce qu'il y a du mal à dire? Est-ce qu'il y a un inconvénient de dire Dia'a al-waladu et Dia'a al-waladani? Il y a quelque chose de mal de dire ça? Il n'y a pas de mal. Un verbe peut avoir plusieurs sujets. C'est vrai, c'est pas vrai ça? Dia'a al-muslimoun. Bientôt, il y aura 3 millions de musulmans qui vont aller où? À la Mecque. Tout cela, c'est un sujet. Vous avez compris ça? Dia'a al-muslimouna ila Mecca. Vous comprenez ce que je dis là? C'est-à-dire, un sujet peut être de 1 jusqu'à des millions. T'as compris ça? Alors là, pourquoi je vous ai dit, par rapport à la ta'rif, il vous a dit quoi? Wa ismu arab naba al-mufraday, lafdan wa ma'na bi ziyadati alif wa nun. C'est-à-dire, s'il y a un surplus de alif wa nun, c'est-à-dire, quand tu trouveras alif wa nun dans un duel, soit il est mubtada, ou soit il est quoi? Ou il est fa'al. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Hein? Abdelmajid, c'est Mohamed. Hein? Abdullah, tout le monde a compris? T'as un exemple, Mubtada, de duel? Kitabani. Vas-y, continue. Hein? Al-Kitabani, ouais. Kitabani. Maftouhani. T'as Maftouhani. T'as tu trouves, t'aurais pu trouver plus simple pour les frères. Par exemple, Mufidani. T'as Aou Kabirani. Est-ce qu'on, ouais. Dans le duel, on met le khabar, il doit être Moufrad Mouannat. T'as fait Moubtada Khabar? Non, je... Le frère a posé une bonne question, mais comme il ne l'a pas fait, c'est bien. Il a demandé si le Moubtada, il est au duel. Le khabar, il doit être comment? Depuis tout à l'heure, vous m'entendez quand je parle? Oui. Est-ce que j'ai dit Al-Waladani Maridoun? Vous entendez quand je parlais? Non, parce que c'est Ghayr Aqil, c'est pour ça. Il n'y a pas une question de Ghayr Aqil ici. On n'a pas parlé. Pourquoi tu as parlé de Ghayr Aqil, Mohamed? Juste avant. Juste avant, c'est un autre dar ça. C'est-à-dire que tu vas jusqu'à la fin de juin, on va parler de Ghayr Aqil. Hein, Mohamed? Allah barik fik. Moi, je vous ai dit quoi le dar d'aujourd'hui? Ça parle du duel et de. Et comme l'istifhamia. Taïb, Andek, tu peux répondre à la question du frère? Comment? Si on a un, le frère il demande si on a un mubtada au duel, comment doit être le khabar? Au duel, très bien. T'as compris ce qu'il dit le frère? Non. Ça soit ghir aql ou ghir aql. T'as dit? Al waladani, tu diras quoi? Hein? Avoua ou Abdul Hakim, pour qu'on profite de toi, vas-y. Depuis tout à l'heure, je répète des exemples. Répète-moi l'exemple que je répète depuis tout à l'heure. T'es avec nous? Andek. Al-Waladani, Maridani. Tout le monde y est là? C'est compris ça, Inch'Allah? Voilà. Si par exemple, on aurait dit quoi? Al-Nafidatani, Maftouhatani. C'est vrai, l'Aqm. Hein? Les deux fenêtres sont ouvertes. J'ai pas dit quoi? Al-Nafidatani, Maftouhatoun. C'est vrai, non? Même vous, quand vous écoutez, vous sentez que c'est. Pas bon. Tout le monde a compris ça? Taïb. Après, il dit quoi? Biziadati alifouanoun, ça c'est compris ça. Al-Ziyada, c'est par rapport à quoi? À son singulier. Taïb. Pourquoi il a dit ça? Biziyada alifouanoun. Regardez bien, les frères. Si vous écrivez Al-Waladoun, Wa, Lam, Waddel, c'est vrai ou non? Si on fait un rajout de alifouanoun, est-ce que c'est un surplus par rapport à son singulier? Regarde bien, Mohamed. Oui ou non? C'est un surplus. Ah, vous avez compris ça? Biziyadati alif wa nun. Regardez. Wa la dun. Tout le monde a suivi? Je rajoute quoi là? Alif wa nun. Tout le monde a compris? Ça, c'est important pour que vous compreniez. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que je vais vous donner après certains mots, vous allez voir. Il y a alif wa nun, mais ce n'est pas un duel. Vous comprenez ça ou non, Inch'Allah? Vous savez? Vous allez voir, Inch'Allah. Après, il dit quoi également? Biziyada Elia Wannoun. Elia Wannoun, on le verra quand il sera Mef'ulbi ou quand il sera par exemple Mejrour. Par exemple, tu diras quoi? Si je dis par exemple, je regarde vers un enfant, je dis quoi? Qu'est-ce que je dis? Ok, tu parles à toi. On ne t'entend pas là. Hein? Là. Mejrour, je veux qu'il soit Mejrour. Avec Raïtou, il ne sera pas Mejrour. Ouais. Qui veut donner un exemple, Majrour? Vas-y. T'as pas fait le huruf jar, Abdelmajid? Le verbe regarder, nadara. Nadartu. Il a le waladi. Les frères, on a vu ça. Dahabta, dahabtu. Celui qui a compris le verbe dahaba, anta dahabta, ana dahabtu. Il fait la même chose avec n'importe quel verbe. C'est vrai, c'est pas vrai. Taïb. Alors quand tu dis Nadartu, il a Waladin. Tout le monde y est là? Ici, les Mejrour bil Kasra. Si c'est deux enfants, on dira quoi? Nadartu, il a Waladaini. Et ça, on le verra que dans le deux. N'écrivez pas. Taïb, il y a un dar sur ça. Ça sert à rien de l'écrire. Ça. Taïb. Moi, je vous ai dit pourquoi par rapport quand il a dit Ziyada, Aliya, Wannun. Vous avez compris? Tu dis Nadartu, il a le Waladaini. Et ça, Inch'Allah, vous le laissez dans le deux. Nous, ce qui nous concerne là, c'est ce qui nous concerne, c'est l'Alif Wannun. T'as après dit quoi? Wa kana salihan li tajridihi. Ça veut dire quoi ça, barakallahu fikoum? Ça veut dire que si tu enlevais l'alif wa nun, le mot il aura toujours un sens. Vous suivez ça? Si tu enlèves par exemple al waladani, si on lui enlève l'alif wa nun, est-ce que le mot qui reste il a un sens ou non? Hein? Al walad. Tout le monde a compris ça? Tout le monde a compris? Par exemple, si je vous dis Adnan, c'est un prénom ça. Hein? Adnan, c'est un prénom, non? Si j'enlève Alif wa Nun, Adl. Là. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a certains mots, il y a Alif wa Nun. Mais si tu enlèves Alif wa Nun, le mot en lui-même, la racine, c'est pas le singulier du mot qu'on venait de dire avec Alif wa Nun. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Taïb. C'est bon là? Mohamed a compris? Abdelkarim? Le Hakim? C'est-à-dire, si tu veux former un duel, comment tu feras? Quand il sera marfou? Alif ou Nun. C'est-à-dire, s'il est aql ou ghir aql. Donne-lui un exemple, par exemple, masculin. Waladani, très bien. Hadani, waladani, pas hada. Parce que si tu fais un signe avec hada, automatiquement, la chose qui est... on fait un signe, elle sera singulier. Hein, tu ne peux pas dire hada, waladani. Parce que hada, on l'utilise pour qui? Mufrad, mudhakkar. Et là, on verra après, inshallah. Si tu veux faire un signe vers deux enfants, tu diras quoi? Hadani, al-waladani. Me fous, madame? Taïm. Tout le monde a compris là? Maintenant, regardez l'avant-dernière phrase du Al-Mudarris. Tout le monde y est là? Regardez bien. Il dit Liman Hadani Daftarani. L'avant-dernière phrase du Al-Mudarris. Tout le monde y est, Inch'Allah? Regardez. Et ça, c'est important. Comme on a fini l'asma l'ishara, Hada, Hadihi, Tilka, Dhalika, Ulaika. Maintenant, on est en train de voir quoi? Ismishara al-Muthanna. Tout le monde a compris ça? Ça veut dire si maintenant tu fais un signe vers deux personnes, tu vas utiliser quoi? Hadani. C'est bien compris? T'as compris ça, David? Est-ce que tu peux dire par exemple Hada waladani? Est-ce que tu peux dire Hadani al-Aulad? Pourquoi? Très bien. Et là, on a fait un signe vers quoi? C'est-à-dire un pluriel. Très bien. Vous avez compris ça? C'est-à-dire celui qui veut utiliser, par exemple, bien les asma al-ishara, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant d'utiliser... Alaykoum salam. Regardez bien ça, prenez ça comme faïda. Celui qui veut utiliser le ism ishara, avant de l'utiliser, il faut qu'il regarde vers quoi il va faire un signe. Vous comprenez ça? Al-musharile. Si toi, tu vois que tu vas faire un signe vers un seul garçon, automatiquement, ce sera... Hada. Si automatiquement tu fais un signe, Al-Mushar, il est quoi? Mufrad, Mouannat, ce sera quoi? Hadihi. Et tu fais ça avec tout ce qui reste. Vous avez bien compris ça? Avant d'utiliser le Ismishara, tu regardes vers quoi tu vas faire un signe. Et bien là, maintenant, aujourd'hui, tu apprends un nouveau Ismishara, c'est quoi? Le duel. Hadani. Mais faut. Alors automatiquement, si tu as utilisé Hadani, c'est que tu vas lui faire un signe vers quoi? Vers deux choses, pas forcément deux personnes. Hein, parce que tu peux dire quoi? Hadani daftarani. Il faut Hadani baitani. C'est bien compris? Est-ce que Hadani c'est spécialement pour Aql ou Ghir Aql? Les deux. C'est bien compris ça? Oui. Non. Toi c'est écrit Hadani. Hein? Moi j'ai dit l'avant-dernière lettre, l'avant-dernière phrase du Mudarris. C'est-à-dire quoi? T'as le Mudarris, après t'as Ali, après t'as le Mudarris, après t'as Younes. Tout le monde a compris le Dars du Muthanna, Inch'Allah? C'est Ayman, Abdel Hakim? C'est bien compris? Mohamed? C'est compris? Daoud? Bien. Brahim? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Taïb. Il dit, on fait l'exercice là, tamarin. Ajib anil as'il al-atiya, musta'minan al-muthanna. Muthanna, qu'est-ce que ça veut dire, muthanna? Duel. T'as vu, muthanna, ça veut dire duel. À pas confondre avec quoi? Mouannas. C'est pour ça, c'est du par cœur. Faut pas demain, je demande c'est quoi le muthanna, le féminin, tu me dis muthanna. T'as vu, muthanna, c'est le duel, et mouannas, c'est le féminin. T'as vu, kam qalaman indaka. Mohamed, tu diras? Indi qalamani. Indi qalamani. Taïb. Kam kitaban indaka? A voir autant, s'il te plaît. Kam kitaban. Ça, je t'ai dit ça. Je t'ai dit kam kitaban indaka. Ouais. De Karim, si tu pouvais suivre quand je parle avec les frères, Allah. De temps en temps, je sais pas si t'es avec nous, tu vois. Moi, je fais en sorte de vraiment réexpliquer, de répéter. Le frère, il a bien répondu, Allahumma barak. Et après ça, à toi. Taïb, c'est quoi le but de l'exercice? C'est d'échanger. C'est pas direct, normalement. T'es en train de me traduire. Moi, t'as pas besoin de traduire. L'exercice, c'est quoi? C'est de mettre la chose au duel. Si je te dis kam kitaban indaka, qu'est-ce que je te demande là? Qu'est-ce que ça veut dire kam kitaban indaka? Combien de livres? Kem, c'est combien? Kam kitaban indaka, c'est-à-dire combien de livres que tu as? Non. Comme tu veux. Oh bah regarde ce qu'il va répondre le frère Abdel Hakim. Comme kitaban indaka. Kitabani, mashallah. Voilà. C'est pas comme tu veux. L'exercice, ajib anil as'ila atiya musta'mina al-muthanna. J'ai demandé à Daoud c'est quoi le muthanna, il a dit c'est le duel. C'est-à-dire quoi? Tu réponds aux questions en utilisant quoi un duel? Combien t'as de livres? J'ai deux livres. Combien t'as de stylos? Tu diras j'ai deux stylos. Et le frère Mohamed, il a bien répondu. طيب كم صبورتان في فصلكم في فصل صبورتان نعم في فصل صبورتان كم ريالا عندك الان عندك الان يا ليلى عندي ريالان très bien ما شاء الله عندي ريالان كم اخت لك يا علي عندي ici on dira plutôt par rapport à ce qu'on a vu لي اختان طيب. Et par rapport à ce dos-là, j'essaie encore de bien vérifier. Tu vois, li akhun wa indi kitab. Taïb, car il y a des choses de temps en temps, elles sont pas trop claires. Taïb, inshallah, et quand j'aurai bien cherché, je vous dirai al khulasa de tout ça. Taïb, kam amman laki ya amina. Amani. Avant tu réponds. Li amani. نعم كم طالبا جديدا في فصلكم comment qu'est-ce que je répète طيب mais comment tu normalement tu suis non vous l'avez pas cette phrase il y en a pas une avant كم سيدي عمك ما جيني ولا كم عمن لك طيب كم صديقا لك يا محمد C'est la 7. Li sadiqani. Kam taliban jadidan fi faslikum. Fi faslina talibani. Voyez. Et si on utilisait par exemple le damir, qu'est-ce que vient de ce dars? Qu'est-ce qu'on dirait? Si on ne veut pas répéter le mot fasl, on dira quoi? Faslou. Ah, faslou. Fihi. Parce que le fasl, taïf. Fihi talibani. Taïf. Et c'est quoi le fait d'utiliser le damir? C'est quoi le profit? C'est pas de parler. C'est l'irtisar. Ah, le fait de raccourcir la phrase. Fihi talibani. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Fiha masjidan. Naam. Kam funduqan fi hadha shari'i? Fihi funduqan. Naam. Kam akhan laki ya Su'ad? Li akhan. نعم لي أخواني لي أخواني نعم إن شاء الله وفعلا بس يتلمي أكو تشكو المتنى طيب لي أخواني طيب كل مدى كومبري إن شاء الله c'est pas trop difficile le متنى hein Taïb, on avance alors. Maintenant, devant nous, on a quoi? Regardez bien. Il a parlé du Muthanna, mais également de la particule Kem. Taïb, vous le voyez là? Kem, on l'utilise pourquoi? Barakallahu fik. Yustafham biha an adadin mubham. Yurad ta'yinuhu. C'est-à-dire, toi, quand tu vas utiliser Kem, barakallahu fik, si tu utilises ça, pourquoi? C'est s'interroger sur quelque chose. Taïb, et ça demande quoi? Un nombre qui est imprécis. Par exemple, quand tu dis kam kitaban indaka, kam akhan indaka, c'est que toi tu demandes sur une chose qui est pour toi, elle est quoi? Inconnue. Taïb. Et la chose que tu attends, ce sera quoi? Un état, un nombre, c'est quoi? Un nombre. Hein, si je te dis kam kitaban indaka, kam akhan laka indaka, tu ne dis pas moi alhamdulillah. Là, ça, on le verra avec un autre truc. C'est kayfa haluka. Mufum, ça veut dire ça, c'est très. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb. Ça, c'est très important, ça. Hein? C'est-à-dire, ces outils, Adawat l'istifham ou l'asma l'istifham, par rapport à quoi la chose que tu utilises, ça demande soit un état, soit un nombre. Quand tu dis kam kitaban indaka, automatiquement on attend quoi? Un chiffre. Hada wal as. Quand je te dis kayfa haluka, tu dis hali bi khair. Vous avez bien compris ça? Taïb. Wa istafhama shay, c'est quoi? C'est l'interrogation. Taïb. Tout le monde a compris l'utilisation de kam là? Et maintenant, certaines règles qui concernent kam. Kam, ils disent la taqa ila fi sadr kalam. Tu l'as toujours en début de phrase. Tu dis pas par exemple qalaman indaka kam. Hein? Si tu veux bien parler l'arabe, la alaqa tatakallam bil lughat al arabiyya, c'est-à-dire al fasih, tu dis pas qalaman indaka kam ou indaka kam qalaman. Là. Il est toujours en début de phrase. Hada, ça c'est une des règles. Al asma, al istifham, wa dawat al istifham. Il est souvent la sadr kalam en début de phrase. Tu dis kam indaka, kam qalaman indaka, kam akhan indaka. C'est bien compris ça, inshallah. Taïd. Et le mot qui vient après, il est quoi? Singulier mansoub. Taïd, tu dis pas kam qalamun indaka. Là, kam qalaman indaka. Et je pense que si vous avez fait attention, regardez, tout ce qui vient après kam, il est comment? Mansoub. Tout le monde a vu là? Hein? Et il est mufrad. Non, hein, par rapport à ça, c'est nakira. Non. On répète, inshallah. Alors, on a dit quoi sur Kam? On l'utilise, pourquoi on a dit? On s'interroge sur quelque chose. Vous savez que cette chose-là, elle est quoi? Elle est inconnue. Et ça demande quoi? C'est un nombre. La chose qui est inconnue ici, c'est quoi? C'est un nombre, un chiffre. Taïb. Et on a dit que kam, il est en début de phrase. Et le mot qui vient après, ça s'appelle tamiz. Et ça, inshallah, vous laissez. Hein? C'est-à-dire, le mot d'après, il sera singulier mansoub. Taïb. Tout le monde a compris ça, inshallah? Taïb. Et après, Inch'Allah, plus tard, vous verrez, selon l'utilisation de Kam Taïb. Là, il est Nakira Tamiz. Non. Daim, Hada wal As. Après, tu ne peux pas dire toujours Daim. Mais sinon, le Tamiz, le mot d'après, il est Nakira. Taïb, Hada wal As. Il peut y avoir des exceptions dans la langue arabe. Mais sinon, le Tamiz de Kam et l'Istifhamia, il y a quoi Nakira. Mufrad, Mansoub. Qui peut répondre à la question du frère? Hein? Allah alim par rapport à Kam, le fait qu'il doit être Nakira, c'est que nous on est quoi? C'est qu'on ne sait pas. Hein? Kam al-qalaman indaka. Là. Tu comprends? Parce que si c'est Nakira, nous on ne sait pas le nombre que tu as. Vous comprenez ça? Le fait d'utiliser quoi? Un tamiz Nakira, c'est que nous, la personne qui s'interroge sur cette chose-là, c'est qu'elle ne sait pas le nombre de stylos que tu as. Mais bon, elle va te dire kam al-qalaman. Là. Al-qalam, c'est 1. Mais bon. Combien le prix? Répète, Allah. Kam thamanan. Kam thamanan. Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, si tu demandes par rapport à un prix ou à un nombre, il n'y a pas de mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Là, là, il est nakira, il demande, c'est ça qu'il demande de faire. Tamiz. Kam si'aran hada al-qalam. Oui, nakira. Taïb. Taïb, on fait l'exercice le 2. Iqra wa ktoub. Fadala Mohamed, d'abord. خالد له ابناء وبنات وبنتان نعم خالد له ابنان وبنتان وسيفا في هذا البيت هذا البيت البيت غرفتان نعم كبيرتان نعم في هذا البيت غرفتان كبيرتان وسيفا فاطمة لها Tiflani Sarirani نعم طفلاني صغيران. تيجي كما ça طفل نعم enfant. Suivant. لي عيناني وأذناني ويداني ورجلاني. Très bien. Très bien, c'est-à-dire le quartier. Très bien, inshallah. Fi hadha al-hayy madrasatan. Salatu al-fajri rak'atani. Très bien, salatu al-fajri rak'atani. Suivant. Lil-baytu lam jar lil-bayti. Lil-bayti maftouhani. Regarde bien. Si tu enlèves en lifou alam, ça veut dire c'est quoi le mot? Enlève en lifou alam et lis-le-moi. Lis le mot. Premier. Non, je veux dire alif wanoun à la fin de. Maftouh. Regarde bien. Après le ta, il y a un waouh pour que tu puisses dire maftouh. Maftah. Si tu enlèves alif wanoun, regarde le mot là. Si tu l'enlèves là, lis-le. Qu'est-ce que tu vas lire? Même si tu savais pas lire, par exemple, le duel, c'est un mot qui est pour que tu trouves que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Enlève alif wa nun. Tu retrouves quoi? Le mot de base ou non? C'est roi, non? Maftouh. Non, regarde bien, Kamel. Il n'y a pas de waouh. Comment tu arrives à lire maftouh? Après le ta, il y a un waouh? Non. Ah là, c'est pas possible que tu lises maftouh. T'as pas trouvé? Non. Abdallah? Miftah. Regarde bien. Si tu enlèves alif et le nun, miftahun. Voilà. C'est pour ça. Celui qui a bien compris la signification du duel, il va trouver quoi? Il va trouver le mot de base. Il enlève alif wa nun, il met son mot de base. Taïb. C'est pour ça l'importance de quoi? D'apprendre le vocabulaire. C'est-à-dire celui qui a appris bien le vocabulaire, il pourra lui-même former quoi? Un duel maintenant. Vous avez compris ça? C'est-à-dire celui qui sait dire la porte, tout ça, babun, babani, nafidatun, nafidatani, qalamun, qalamani, miftah, miftahani, tout seul. Juste, il rajoute à l'ifwan. C'est pas difficile. T'as eu l'ilbeiti, miftah, miftahani. T'as eu, au suivant. Non. Très bien. L'imen hatani, al-baqaratani, huma lil-fallahi. Au suivant. Non. Ça sera toujours ni. Ouais, à la fin, ouais. Ouais, le kasra à la fin, tu veux dire. Mais c'est pas la kasra, c'est-à-dire les mesrour. Nous, c'est le alif qui nous intéresse. Il est marfou. Barakallahu fi. Le suivant. Inkliter. Non. Ahadani tabibani min inkliter. Non. La huma min fransa. Fi qariyati masjidani saghirani. Très bien. Fi qariyati masjidani saghirani. Taïb. Inch'Allah, tout le monde a compris, hein? Vous avez compris, Kamel? Alaykoum salam wa rahmatullah. Taïb, grand 3, ikhra al-amthila al-atiya. Thumma dha'a fil faragh fi mayali tamizan kam. Wadbit akhirahu. Taïb? Il demande de mettre un tamiz. Le tamiz, c'est quoi on a dit? C'est le mot qui vient après kam. Taïb? Tout le monde a compris, Inch'Allah. Regardez, kam urtan laka. كم قلما عندك كم سيارة عندك طيب le premier vas-y كم قميصان قميصان لك عندك non comment on a dit que le tamiz il est nakira comment tu nous dis كم قميصان c'est qu'on sait combien tu dis كم combien de deux قميص ça se dit pas ça كم قميصان قميصان عندك نعم على بس خميسون كم خميسان عندك خميسان عندك نعم وسيبان كم أخن لك طيب تدا في ال deuxième phrase كم أخن لك à toi محمد كم فندق هل tu l'as singulier tu me demandes ça كم فندق هل كم فندق هل في هذا الشارع في هذا الشارع طيب très bien كم فندق هل في هذا الشارع وسيبان في قريتك في كم رجلا في قريتك وسوا Ouais. في فصل لكم كم طالبا في فصل لكم suivant نعم ici c'était des mois كم voilà كم شهرا في السنة suivant la roue combien d'une roue عجلة très bien mashallah كم عجلة للدراجة après Non, il faut quelque chose avant. Comment on dit combien de fenêtres dans la pièce? Tu diras comment? Moi je veux que c'est toi qui réponde. Kam Nafidatan. Firorfatika. Tout le monde a compris, Inch'Allah, le darsa. Taïb. Grand 4. Hawel al-Mubtada. Fikuli minal jumal al-Atiya ilal Muthanna. Ah, il te demande de changer quoi? Le Mubtada. Dans toutes les phrases suivantes, au quoi? Au Muthanna. Qu'est-ce que ça veut dire Muthanna prime? Femina. Et Kamel? Dual. Ah, c'est pour ça que j'ai dit apprenez Muthanna, ça veut dire dual. Comment on dit Femina? Muannath. Allez, Inch'Allah, aujourd'hui c'est excusable. Taïb. Mithal, hada kitabun. Taïb. Hada mubtada kitabun khabar. Hadani kitabani. Hadani mubtada. Mais on a dit que le Mubtada il était quoi Marfou. Et à la Matraf ici, on dira quoi Al-Alif. Kitabani. Et le Khabar, il doit être Marfou aussi. Il est où à la Matraf Al-Alif. Tout le monde a compris? C'est compris, Inch'Allah? On peut dire Hada Kitabani? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut que Hada il soit aussi. Que ce soit Hadani Kitabani. Voilà. Ça s'accorde en fait. Non. Hadani Kitabani. Taïb. On s'est arrêté où? Vas-y, alors, هذا قلم, tu diras هذاني قلماني. نعم, هذه مسطرة. هذاني مسطرات. مسطرات, نعم, ما شاء الله. Regarde bien. مسطرتان. وهكذا, هاتاني مسطرتان. Ça veut dire quoi, مسطرات? Une règle. Une règle, نعم. Une règle, ça veut dire une قاعدة. C'est aussi une règle pour l'outil. Une règle pour outil. نعم. هذا طالب, tu diras هذاني طالبان هذه طالبة هاتان طالبتان نعم هاتان طالبتان هذا الرجل مدرس هذان رجلان مدرسان خيب يا ما شاء الله هذان الرجلان مدرسان هذا الطالب من الهند هذان طالبان من الهند نعم هذان الطالبان من الهند هذه الساعة من اليابان هاتاني ساعتان من ياباني هاتاني ساعتان من الياباني هذه السيارة للمدير هاتاني السيارتان للمدير نعم هاتاني سيارتان للمدير لمن هذا المفتاح لمن هذان المفتاحان نعم لمن هاتان Non, je vais juste voir par rapport à ce qu'il a dit, frère. Liman hada al-miftah, liman hada ni al-miftah. Miftahani, taïb. Alors, le mieux c'est que tu répondes, taïb. Par exemple, sinon c'est tous les deux secondes. Par exemple, tu me réponds moi au, la question. Réponds à la question, par exemple. Lui il veut que tu changes, taïb. Liman. Non, très bien. Liman hada ni al-miftahani. طيب لمن هذه الملعقة؟ من هذا لمن هذتان ملعقتان؟ رياض بيان لمن هذان هذه سكوا هاتان فوالا لمن هاتان ملعقتان ملعقتان كيف سادير ملعقة؟ كفيار سي بيان اقرا الكلمات الآتية واكتبوا مع الضبط أواخرها طيب تدمون دو ليغ لي مو سيفون إي تو أون ليكريمون كوا ضبط أواخرها أون ميتون لي بون فويال طيب Bismillah, lis et tu traduis le mot. Kalibani. Ah, pas Kalibani. Pourquoi ça veut dire cannibale? On dira là. Vrai. Enlève Alif Wannoun. Kalboun. Ah, sainte. Taïb, si tu enlèves Alif Wannoun, il reste quoi? Kalboun. Taïb. C'est. Abad. Maktabani. Maktabani, très bien. traduit ça. Suivant. Akhawani. Suivant. Mindilani. Très bien. Mistaratani. Mistaratani. Suivant. Mratani. Là, il en reste un mot. Ukhtani. Ukhtani. Très bien. Et Imra'atani. Taïb. Thani le kalimat l'atiya. Même un athani, ce sera rendre au duel. Taïb. Au féminin, ce sera quoi? Anni. Hein? À ne pas confondre. Taïb. Anni, c'est-à-dire quoi? Rendre le mot au genre féminin. Et thani, c'est-à-dire quoi? Au duel. Hein, Abdelbrahim, pas confondre. Les mots qu'on a vu, le mot d'avant, c'est anni, c'est-à-dire rendre au féminin. Et thani, c'est rendre au duel. Taïb, faites attention à la différence là. Taïb, siyaratun, on dira. Siyaratani. Tabibatun. Taïb, waladun. Lughatun. Lughatani. Très bien, mashallah. Sadiqun. Sadiqani. Naam. Tajirun. Tajirani. Mil'aqatun. Mil'aqatani. Mudarrisun. Mudarrisani. Naam. Babun. Babani. اسمون اسماني نعم هذا هذاني هذه هاتان الكلمات الجديدة كم combien العيد c'est-à-dire la fête طيب الحي جمع أحياء c'est-à-dire le quartier الركعة جمع ركعات طيب ركعة ici ce serait الله أعلم comment il le traduit sinon la raka'a ça part de quoi d'un qiyam recours avec deux sujoud taïb quelqu'un a une traduction par rapport à raka'a non taïb comment la inclinaison c'est recours taïb al-ajala jam ajalat la roue al-riyal jam riyalat c'est le riyal al-mistaratu jam masatir c'est la règle tout le monde a compris inshallah. À la rigueur, c'est bien, c'est une bonne traduction, peut-être. Hein? L'unité de prière, raka'a. Barakallahu fik. Demain, on fera la leçon 19, bismillah. Vous avez les cahiers et tout? Vous voulez faire la dictée? Ouais, tu peux éteindre. Sinon, je vais laisser l'espace. Mais c'est pas marqué cours 2. Il n'y a pas de mal. Tout le monde dit, c'est bon? Ah, tu veux écrire? Non, je sais pas. Dicter sans écrire, est-ce possible? Hein? On va aller faire. Tu veux une fois? Tu veux une fois? Hein? Imla. Imla? Ouais, Imla. Imla. Imla. Imla. Imla. Imla. Inch'Allah, si Allah il facilite, on a essayé de commander les livres de Imla. Taïb? On va essayer de les avoir. De ceux de Médine. Et si on peut les faire, on les fera, Inch'Allah. Est-ce que parmi vous, il y en a qui les ont, ici? Les livres de Imla. C'est-à-dire complet. Le 1, le 2, le 3, je crois. Il y en a 1, 2, 3. Personne les a? Comment? Qui? Il les a? Taïb, demande. Taïb, bismillah, les frères. Moi, si je vous fais ça, c'est pour vous aider à. À apprendre des mots par cœur et également à bien les écrire. C'est-à-dire moi, Inch'Allah, là, je vous donne de quoi? Je vous donne des mots et vous mettez son pluriel. Taïb, Inch'Allah? Taïb, maison? Non, vous mettez singulier, pluriel. Taïb, porte? T'as un stylo. Le cahier là, c'est à peu près dans l'ordre, c'est ça, par rapport au leçon. Ouais. Ah, oui. T'as une mosquée. Écrivez bien. Après, la correction, elle est personnelle. Hein. Ouais, celui qui veut se mettre à 20 sur 20, ça le concerne. Ça. Ouais. Mettez deux mosquées. Écrivez. Par rapport au dars d'aujourd'hui, le Muthanna. Non, non, non, juste ce mot-là. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps, tu vois. Moi, c'est juste pour que ça vous permette de rester un peu dans... Ok. Sinon, là, le but d'exercice, c'est singulier et pluriel. C'est ça le plus dur. Mais sinon, le duel, est-ce que c'est difficile, le duel? Ah, celui qui a trouvé le singulier, après, il y a juste à... Allez, fonoun. Mais sinon, les autres pluriels, ils sont un peu difficiles. Car on a vu quoi? Que la majorité, beaucoup de mots, n'ont pas la même forme de pluriel. Par exemple, Beytoun. Son pluriel, c'est quoi? Ouais. C'est Buyout. Hein? Et Kitab, c'est quoi? Kitab. C'est couteau. Voilà, ça c'est plus difficile. T'arrives? Corrigez pas, hein, si c'était mal écrit. Hein. T'arrives? Docteur. Docteur. Docteur, un médecin. T'arrives? C'est une, y a une différence, hein? Médecin. Taïb. Un chien. Non, c'est médecin, c'est fini. Nous on était à médecin. Ibrahim, nous on était à médecin. Et après là on a fini médecin, là on est à le chien. Chien, chien. T'as vu? L'âne. Après le chameau. C'est bon? Pomme. Une pomme? Non, la pomme. Et le pluriel, c'est si vous connaissez, hein. C'est-à-dire si vous l'avez cherché et tout ça. Taïb. Le paradis. Taïb. Et jardin. Il y a une différence, on a vu deux mots. On a vu le mot paradis et on a vu le mot jardin. Vous vous souvenez, Inch'Allah? Je vous avais dit que le mot paradis, comme on le lit, il a un sens également de jardin. Mais sinon, moi je veux le mot réellement. Si tu ne connais pas, c'est rien. T'as vu? T'as pour pas oublier, t'écris jardin en français, après on avance. Voilà. Après, Inch'Allah, tu le fais tout seul. Hein, celui qui ne connaît pas, ou par exemple ça ne lui revient pas, il met le mot en français, après il continuera tout ça, Inch'Allah. Le but c'est de vraiment bien le faire, tu vois. Taïb, le verbe partir. T'as le directeur. Cartable. Comment? Cartable. On a eu qu'un seul mot comme ça. Comment? Cartable en numéro pluriel. Moi si tu connais. Mais c'est... Moi c'est pas un... ça c'était un exercice personnel ça le pluriel. Parce que certains mots il n'y avait pas le pluriel dans le DAF. Tu vois? Il y en a combien là, Mohamed? 13. Sans compter les duels. Hein. Les wow. 14 moins. On va rajouter encore 6 comme ça. Hein. Paresseux. Comme je vous ai dit, frère, si ça revient pas, écrivez paresseux. Après, Inch'Allah, même là, après le dars, vous le faites tout seul. Il n'y a pas de mal. Voilà. La cuisine. Le verbe sortir. Hein. Tout à l'heure, on a dit partir, c'est ça. Hein. Là, c'est sortir. Ouais. Dès qu'il y a 20 mots, vous me dites, hein. Ingénieur. La lune, ça va, c'est pas difficile hein, pour vous. Soleil. Et on finit, Inch'Allah, avec l'étoile. Ça fait 20 mots là, non? Il y a quoi là? Il y a 20 mots à peu près? Et avec l'étoile, vous aimez l'étoile? C'est rien, mettez ça, c'est juste que c'est des mots qui sont. Comme ça n'a pas pris beaucoup de temps, si vous voulez, même à la rigueur, tous les soirs, comme ça, on fait une vingtaine de mots. Hein, ça vous entraîne. T'as Inch'Allah. Et faites-le sérieusement, les frères. Vous révisez comme ça, de la leçon 1 à 5, après de 5 à 10. Et ça, ça permet quoi? Le mot, il s'incruste plus dans la tête. Barakallahu fikoum.